Aux voix s'éteignent, vos temples tombent. Chaque mensonge efface dans l'ombre. Prêtez ce qui reste franc et vrai. Un vœu sacré que rien n'éteint jamais. Truth in flames will never die. Right of skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. Ils parlent fort, mais ne disent rien. Chaque mot creux trahit leur chemin. Des idoles morts guident leurs pas. Leurs faux prophètes ne valent pas. Moi je marche droit, lourd et précis. Chaque cicatrice forge mes écrits. Raid est-ce qu'ils tracent, franc et loyal. Un souffle vrai et un cri brutal. Truth in flames will never die. Stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. Vous nourrissez des foules sans voix, des zombies qui suivent les rois. Chaque mensonge devient promesse, mais votre trône tombe lourd de détresse. Moi je parle brut, franc et réel. Chaque ligne pèse, poids éternel. Raid est-ce qu'il vit, clair et sincère. Un roc vivant dans la poussière. Des trônes vides que la nuit étend. Chaque écho meurt dans vos silences. Chaque attaque nourrit ma puissance. Moi je reste fort, bloc indomptable. Ma voix rugit, lourde et durable. Rien de ce qu'il brûle, franc et précis. Un roc d'acier que rien ne détruit. Chaque idole tombe, chaque voix s'éteigne. Moi je forme ma route sans détour. Chaque vérité devient mon jour. Rien n'est ce qui marche, froid et lit. Un feu sacré que rien n'est un vide. Truth in flames will never die. Right as skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. S'efface, chaque mensonge finit en trace. Des générations suivent sans voir, aveugle perdu dans le noir. Moi je reste feu, froid et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Raid est-ce qu'il vit, clair et précis. Un roc sacré dans vos nuits. Truth in flames will never die. Right as skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. L'âme c'est l'effondre, flamme s'éteignent, chaque mensonge finit en cendres. Rien ce qu'il vit, clair et vrai. Un nom d'acier, gravé à jamais.